C'est la chronique maintenant du hockey mineur de Robert Wall avec notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo! Salut. Hugo, on va parler d'abord de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer en fin de semaine. C'était le tournoi, pas le tournoi, mais le début de la Ligue Ato. Mais avant, est-ce que tu étais à l'ouverture des sables de Robert Wall vendredi dernier? Oui, j'étais présent. Ça a bien été, hein? À l'ouverture du junior, là, donc on avait une invitation de la part de l'organisation. Donc, on est deux membres là, du CA du hockey mineur qui sommes allés se présenter au match d'ouverture des Sabres dans le junior. Ça a bien été? Ça a très bien été, honnêtement. Je veux dire, au niveau de la présentation, puis au niveau de l'organisation, puis de la façon dont ils ont fait ça, ils ont bien fait ça. Ça a été quand même sobre, pas des affaires là, nécessairement à tout casser, mais je pense là qu'ils ont invité des gens qui avaient été significatifs. Puis le pont là entre les anciens juniors, il y avait quelques anciens juniors qui étaient présents, combiné là à la nouvelle édition des Sabres. Donc je pense que il avait fait ça là avec doigté puis avec classe. Fait que bravo là à l'organisation là pour match d'ouverture. OK, on va parler maintenant de l'ouverture de la saison du Atome 2C. Oui, c'est ça. Nous, en fin de semaine, les Sabres, dans notre Atome 2C, là, après un mois d'attente, donc le calendrier commence en fin de semaine, en fin de semaine-ci, donc notre équipe des Sabres s'en va à Bécomo pour les trois premières parties de leur calendrier de la saison. Donc, ils partent là demain après-midi à Bécomo pour deux parties samedi, une partie dimanche matin. Après ça, ben on redescend là au lac pour clôturer la fin de semaine. Puis en tout cas, on est content dans le coin quand même, là, étant donné que là, on s'en va là dans la fête de l'Action de grâce, donc on va avoir lundi quand même de congé. Ça fait que c'est quelque chose de c'est quand même quelque chose de bien qu'on commence là, notre calendrier régulier. À Bécomo, donc samedi. Et on va parler de la Ligue Saint-Pélette. Ben, on en a parlé avec la chronique de Dolbeau. C'est la même chose à Robertval, début de la saison aussi. C'est le début de la saison là, dans deux catégories. Donc, on débute la saison dans le Pee-wee A, dans le Pee-wee B en fin de semaine, ainsi que dans le Midget A et le Midget B. Donc, eux autres là, commencent la saison cette semaine. La semaine prochaine, ce sera là, le Bantam qui va commencer. Puis pour finir avec le autour du 24 octobre avec le début de la saison dans l'Atome. Donc nos quatre équipes là, autant Pee-wee A, Pee-wee B que Midget A, Midget B commencent là, leur calendrier en fin de semaine. Dans le cas du Pee-wee, ben en tout cas nos équipes sont prêtes depuis la semaine passée, ça va quand même bien. Dans le Midget, ben là c'est ça, là, on a fini nos équipes mardi soir, donc c'est sûr que là, peut-être qu'en fin de semaine, ça va paraître un peu décousu en fin de semaine, mais bon, c'est des jeunes quand même, ça fait longtemps qu'ils jouent au hockey, donc on devrait pas avoir de l'air si fou que ça quand même, si on n'a pas joué de partir concours là, du tout. C'était difficile, hein. J'ai vu, je sais que tu as posté plusieurs affaires sur les médias sociaux. Ouais, au départ, ça n'a pas été facile. Non, regarde, c'est... On savait pas si on allait faire une équipe, deux équipes. On avait 22 jeunes au départ, là, on s'est... Là, il y a des jeunes qui se sont motivés. Là, on est tombé à 32. Est-ce qu'ils sont motivés pour vrai? Ben, c'est une bonne question. Là. La question est là, puis la question, ben, c'est de savoir, là, suite à mardi soir, aux formations des équipes, ben là, on va voir aujourd'hui, parce que là, le Midget B pratique. Il y a toujours des histoires qu'on entend, là, que si des jeunes... Ouais. Ah ben moi je joue dans le B, je joue plus, puis là, donc on va voir où s'asseoir le nombre de jeunes là, qui entre moi je joue plus, je suis motivé, je suis pas motivé, qu'est-ce qui va arriver? Pour le A, il n'y a pas de problème. Les jeunes qui sont toujours choisis dans l'A, eux autres, ils vont se présenter, c'est certain. Là. Mais ce soir, là, c'est notre interrogation à savoir combien on va avoir de joueurs qui vont se présenter au milieu de B, puis est-ce qu'on va être capable de faire là, une équipe par rapport à ça? Là? Ça, c'est notre point d'interrogation. OK, on va parler maintenant du tournoi, puisqu'on a parlé des tournois avec Dolbeau. On sait déjà que c'était à la fin octobre, début novembre. Et du côté de Robertval, ben, ce sera à la fin janvier, début février, c'est ça? Ben, c'est ça, ça va être à la fin janvier. Comme à toutes les années, on prend là, la dernière fin de semaine de janvier avec la première fin de semaine de février. Donc, sans avoir fait là quand même de réunion formelle sur la ronde de Vissatone, de façon informelle. On a commencé déjà à avoir des inscriptions, plusieurs inscriptions déjà de compléter, là, puis d'entrer pour notre tournoi. Donc, on devrait, comme à toutes les années, on n'a pas de problème là, à remplir nos quatre catégories. La catégorie où est-ce qu'on a plus de problèmes, je pense qu'encore cette année, on ne sera pas capable de le faire, c'est Atome 2C. Au moment donné, là, on devra se pencher sur ce questionnement-là, à savoir, là, on donne-tu des incitatifs ou quelque chose? On sait qu'il y a certains tournois qui font ça, là, qui ont cette année là, innové, puis ont donné des... ils ont fait des choses là, pour inciter des équipes, soit de la région ou de l'extérieur, à venir. Dans notre cas, nous autres, ben dans le cas de l'Atome A, de l'Atome B, puis dans le Novice A, Novice B, on a toujours nos équipes, puis on n'a aucun problème à remplir. Mais c'est ça, l'Atome 2C depuis deux ans. Là, Grosse catégorie, puis je lançais l'idée pour Dolbeau, pour le tournoi du centre de formation professionnelle, puis je le lance aussi pour Roberval. On sait qu'il n'y en a pas de tournois cet ainsi de l'année. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire des tournois déjà en début de saison, comme au début octobre? Parce que là, vous êtes... Bien, ça pourrait être un questionnement qui est intéressant. On sait qu'au départ, ben, de par la tradition, les gens n'aiment pas ça faire des tournois avant les fêtes. Mais de plus en plus, il y a de plus en plus des équipes qui font là, des tournois avant les fêtes pour se mesurer, ouais, pour être capable un peu de voir leurs équipes et leur progression. Donc oui, c'est un bon questionnement à y avoir par rapport à ça, puis à se sortir de... peut-être aussi là, de justement là, du créneau que du mois de janvier. Tout le monde est en tournoi. Janvier, c'est ça, janvier, février, où est-ce que tout le monde est en tournoi, puis il y a plein de tournois qui sont offerts. Fait que là, c'est un peu là, le problème là, d'avoir là, les équipes. Fait que c'est sûr qu'il pourrait y avoir un bon questionnement par rapport, ouais, à ça. Ben écoute, je te laisse au Blue Jays. Moi aussi, je vais y aller, puis on se reparle jeudi prochain. C'est la chronique d'Hugo Matet du hockey mineur de Roberval.